Salut à toutes et à tous, bienvenue pour Vidéotop. Aujourd'hui, voici une parodie. Le cœur de Becca est écartelé entre deux garçons. L'un, mystérieux, ténébreux et trop pâle pour être en bonne santé, et l'autre, équilibré et gentil, qui lui fait penser à un petit frère gay. Ça vous rappelle quelque chose ? Mords-moi sans hésitation ! Une parodie mordante et saignante de tous les films pour ados que l'on a pu voir ces dernières années. J'aimerais te présenter ma famille. On a tellement entendu parler de toi. Il faut que tu ouvres tes cadeaux. C'est vous qui avez commandé du chinois ? Produite et réalisée par des gars qui ne sont pas des mordus des films de vampires, voici l'histoire du parcours d'une femme en quête du grand amour. Qui vas-tu choisir ? Moi ? Ou lui ? Ressentez l'émerveillement. T'as pas pigé ? Je suis un tueur ! Et préparez-vous à devenir Gaga. J'ai enfin trouvé quelqu'un d'aussi flippant que moi. Lady Gaga ? Trop flippante. Cette année, ça va saigner. Plus ça cartonne, et plus ça craint. Tu sais qui nous sommes, n'est-ce pas ? Vous êtes les Black Eyed Peas ? Pourquoi tout le monde nous prend toujours pour les Black Eyed Peas ? Mords-moi sans hésitation, c'est débile à souhait, mais on rigole quand même. Un DVD Fox pâté au repas.